Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non. Vous êtes fou. C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs. J'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi. Tu es méchant, il est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, non, non, non, non. Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. C'est fou, dit. Oui, c'est bien toi. Il a volé, il y a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Mais non, mais non, non, non. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non, non, non. Tu as volé. C'est pas moi, j'ai pas volé, pas volé l'orange. J'ai trop peur des malheurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Y'a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup. Y'a fait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corde au cou. Vous êtes fou, non? Pour toi ce jour, c'est le dernier. Non. Tu es qu'un sale voleur. J'ai rien fait, non. D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur. Je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Il a volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Je suis un champ, non, non, non. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé.